madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais ni le montant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la bidinette fait sa dinette au bistrot, la biblette lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Mais ni le montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni le montant.